entre la vie idéale, c'est la nature, l'eau pure et les petits oiseaux. J'affronte la ville les poings fermés à l'écart car je l'avais mal cerné. Nouveau regard, la pétasse est paraquée forte. En karaté, il faut que je me barre par là ou ici en fait, je sais plus la vérité. Comme une se maquille, mais ça brille dans nos pupilles. Nouveau regard assez hagard, je profite de chaque minute, évitant les coups de pute. J'ai fait du tri dans mes potes, je me suis fixé des buts qui ont toujours pas rempli mes poches. Constatant que tout le monde, il est moche, il est méchant. Alors que ce soit des critiques ou des éloges à mon égard, de mon chemin jamais je m'égare. Fini mon passé passif à croire avoir que l'avenir c'était un truc nocif. Nouveau regard, je roule au pas mais très très loin du départ. En cours préparatoire, on t'apprend les planètes, y'a la terre, les terriens. 15 ans après on se rend compte, mais bête au final t'es rien. Regarde comment ça brille dans nos pupilles. Un nouveau regard, regard là où tant de gens s'égarent, c'est d'art. Je déclare des visions erronées. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, fausse parfois les données. C'est vrai, c'est vrai, c'est les MC d'HND. Abonnés à gueuler, à tonner sur nos passés. Nouveau regard, demain s'ouvre à nous pour percer. Pressé de placer une vue si dispersée. Nouveau regard, car ici tout a changé. Nos vies toutes chamboulées, nos sentiments évincés. Et nos parcours qui sont sans cesse en chantier. Enchanté, ces deux airs, y'a danger, car projeté. Armé d'une nouvelle vision, et ouais, on a HD. Obligé de voir plus loin, car man, j'suis plus âgé. Un regard assagi, mais un visuel ravagé. Regarde comment ça brille dans nos pupilles.